Un joker pour rester au lit. Un joker pour être en retard à l'école. Un joker pour ne pas faire ses devoirs, etc. Non, ce n'est pas une liste de réclamations écrite par un élève naïf et paresseux. C'est comme ça que ça se passe dans la classe d'Hubert Noël. Et ne croyez pas non plus qu'Hubert soit un instituteur paresseux. Au contraire, il a décidé d'apprendre énormément de choses à ses élèves. Des choses qui ne sont pas toujours au programme, mais qui sont indispensables pour aimer la vie. Joker, suite et fin de cette histoire. Une fois par semaine, Monsieur Noël avait l'habitude d'emmener les élèves en promenade. Ce n'était pas la gym tant espérée par Laurent, bien au contraire. Ça faisait partie de ce que Monsieur Noël appelait les épreuves ou le stress de la vie. Aujourd'hui, l'épreuve se nommait envoyer une lettre de la poste. À l'approche de Noël, les élèves n'avaient pas eu de mal à trouver des destinataires pour leurs cartes de vœux ou leurs paquets. Ils virent que la poste centrale de leur ville était gigantesque, avec des rangs de sièges vissés au sol. Monsieur Noël montra le distributeur de numéros. Chacun en prit un. Il y avait tellement de monde que, en dépit du nombre de sièges, il n'y en avait plus pour eux. Ils attendirent donc debout, guettant sur un petit écran l'apparition de leur numéro. Poireauter, être nulle part, mortel ennui. Mahamar en profita pour chanter un tube en arabe. Il avait toujours ses jokers en poche. Constance essaya de faire une danse du ventre. Les gens les regardèrent comme s'ils s'étaient échappés du zoo. Quand tout le monde fut enfin passé au guichet, Monsieur Noël leur dit « Vous voyez, c'est dur d'attendre son tour. Il faut beaucoup de patience dans la vie. » Il comptait les amener la semaine d'après à la gare pour essayer de faire une réservation de train par ordinateur. Il arrivait à Encarnación Pérez, certains dimanches insupportables dans son logement de fonction bien rangé, de se demander parfois si elle était vivante ou morte. Parfois, elle avait vraiment l'impression de déambuler dans son propre tombeau. Elle aurait pu téléphoner, mais elle n'avait pas d'amis. Elle aurait pu nettoyer sa maison, mais c'était déjà impeccable. D'une façon ou d'une autre, les jours de la semaine passaient, mais le dimanche était épouvantable. Hubert Noël s'arrangeait aussi pour survivre aux jours d'école, mais faire face au congé devenait difficile depuis la mort de sa femme. Ses enfants, ses petits-enfants vivaient dans d'autres régions et même d'autres pays. Il avait 4 enfants et 11 petits-enfants. Il était content qu'ils vivent leur vie comme lui avait essayé de vivre la sienne. Ils se téléphonaient, ils s'écrivaient. Les enfants encourageaient leur père à acheter un ordinateur et à se mettre à la communication électronique. Mais ça ne lui disait rien. Et du coup, il pensait à cette Encarnación Pérez. Elle l'avait laissé tranquille depuis la séance dans son bureau. Ils s'évitaient mutuellement. Et même si quelques parents étaient étonnés par ses méthodes pédagogiques, car ils craignaient que leur enfant ne soit pas au niveau en 6e, ils étaient trop intelligents pour aller se plaindre à cette directrice. Le trafic de jokers s'était calmé, et au goût d'Hubert Noël, les jokers dormaient trop tranquillement dans les cartables. Les élèves n'avaient pas besoin du joker pour ne pas écouter la leçon. Car les leçons étaient trop intéressantes. Ils n'avaient pas besoin du joker pour ne pas venir à l'école. Ils avaient trop envie de venir à l'école. Monsieur Noël leur rappela. N'oubliez pas qu'on a des jokers dans la vie. Tout joker que vous n'aurez pas utilisé mourra avec vous. C'est alors, pendant la récréation et d'un commun accord, qu'ils décidèrent de profiter ensemble d'un des jokers. Le maître était en train de distribuer l'un de ses cadeaux quotidiens, en l'occurrence une feuille d'interro. Lui-même ne sut plus ce qui lui arrivait. Un cataclysme. Ses oreilles bourdonnaient. La directrice accourut. Les élèves avaient utilisé le joker pour faire du bruit. Et pour ajouter au bruit, Madame Pérez hurla un « Monsieur Noël !» à vous écorcher les tympans. « Dans mon bureau, tout de suite !» Elle ne dit rien aux élèves. C'est le maître qui est responsable pour ses élèves. Avant d'y aller, il mendia auprès de Bénédicte l'un de ses jokers. Car cette fois, Hubert Noël avait peur. Incarnation Pérez se tenait juste derrière la porte de son bureau, mijotant une forme d'humiliation adaptée. Elle vit la carte se glisser sous la porte. Elle ne voulait pas s'abaisser à la ramasser, mais sa curiosité triompha. Elle entendit s'éloigner les pas de sa proie et elle lut. Joker pour ne pas faire de punition. À son retour dans la classe, les élèves avaient préparé une autre surprise. Ils avaient installé une chaise au milieu de la classe et ils faisaient la queue devant la chaise vide. C'est Charles qui invita le maître à s'asseoir. Chacun avait un joker en main. Un à un, ils firent deux bisous sur les joues de Monsieur Noël, contre ce joker précieux. Pour le consoler, pour se consoler, il n'y a rien de tel qu'un baiser. 54 baisers, lui dit Serge qui avait compté. Oh, les baisers, ça ne se compte pas, dit le Père Noël. Personne ne remarqua Incarnation Pérez à la porte. Elle repartit un peu triste. Elle aurait bien aimé recevoir un baiser, elle aussi. Les élèves avaient découvert que c'était bien plus drôle de dépenser un joker ensemble, en bloc. Et c'est pour ça que Monsieur Noël se trouva devant une classe fantôme. À l'exception de Charles, qui avait déjà dépensé son joker pour ne pas aller à l'école. Charles, d'ailleurs, n'avait plus de joker. Il les avait tous dilapidés. Monsieur Noël lui proposa de jouer aux échecs. « Je ne sais pas jouer, maître. »« C'est pour ça que tu viens à l'école. Je vais t'apprendre. » Incarnation Pérez rôdait, observait, espionnait. Indignée et un peu jalouse, elle décida d'entreprendre des démarches pour se débarrasser d'Hubert Noël. Après la cantine, le maître invita Charles à inventer avec lui un nouveau jeu de joker. Il ne lui avoua pas qu'il voulait l'offrir à Incarnation, mais il proposa d'autres sortes de jokers. Un joker pour sourire. Charles enchaîna avec un joker pour rire et un joker pour raconter une blague. Ensemble, ils firent une liste. Un joker pour se faire plaisir. Un joker pour faire la fête. Un joker pour crier champion du monde. Un joker pour un bain moussant. Un joker pour un bain de soleil. Un joker pour poser une question indiscrète. Un joker pour dire merde. Un joker pour un caprice. Un joker pour inviter les amis. Un joker pour organiser un pique-nique. Un joker pour une promenade au bord de la mer. Un joker pour une randonnée en montagne. Un joker pour inventer un couplet. Un joker pour faire un tour de manège. C'est Charles qui avait une grand-mère comme ça qui voulut ajouter. Un joker pour aider l'humanité. Un joker pour embrasser un vieux. Un joker pour visiter un malade. Charles et le maître passèrent l'après-midi à fabriquer ce jeu de joker en plusieurs exemplaires. Hubert Noël était tellement content de cette nouvelle création de joker qu'il en garda un jeu dans sa poche. Avant de quitter l'école, il tira la carte « Joker pour se faire plaisir ». Il s'arrêta net, réfléchit et se rendit compte que c'était encore une de ces choses qui est plus facile à dire qu'à faire. Et puis, il décida de s'offrir un bon repas au restaurant Couscous Royal. C'était avant qu'Incarnation ne lui tombe dessus et qu'il perde l'appétit. C'est inadmissible! 26 élèves dans une même classe absents! J'ai appelé les parents et ils m'ont tous raconté la même chose. Une histoire à bracadabrande de joker et d'absence autorisée. Par qui? Le maître allait dire quelque chose, mais elle ne lui en donna pas l'occasion. « Vos prétendues méthodes sont lamentables. Vous démolissez les chances de ces enfants. Vous détruisez les bons résultats de mon établissement. Je ne tolérerai plus votre anarchie. Vous ne formerez pas des anarchistes. » Le maître ne put s'empêcher de sourire. Mais son sourire n'eut aucun effet sur la directrice. Lui qui aurait aimé aider l'humanité en l'aidant à se dégeler. En fait, il voulait l'inviter à manger le couscous avec lui. Au lieu d'aller au bout de sa pensée, il lui offrit le jeu de joker qu'il avait dans sa poche et il s'enfuit. Et en fin de compte, il n'alla pas au restaurant. Il mangea le reste des pâtes de la veille et il s'endormit devant la télé. La vie lui soufflait des idées. On va faire quelque chose de très important aujourd'hui. On va faire un pacte. Les élèves furent impressionnés. D'abord, on va faire le tour de la classe et vous allez me dire ce que vous avez fait hier soir. À 27 reprises, la réponse fut « J'ai regardé la télé ». Très bien. Maintenant, vous allez écrire ce que vous avez vu, faire un petit résumé et une évaluation « bien, moyen, nul ». « Je ne me rappelle pas, monsieur !» répondit en chœur la classe. « Bon, essayez de vous souvenir si c'était bien !» Il ramassa les feuilles et compta les évaluations qu'il écrivit sur le tableau. « 2 super, 2 bien, 4 nuls, 8 oubliés, 11 moyens. »« Moi-même, je me suis endormie, tellement c'était passionnant !»« Alors, si la grande majorité est d'accord pour admettre que les programmes sont moyens, » est-ce qu'on ne ferait pas mieux de s'en passer ? Les élèves ne voyaient pas où ils voulaient en venir. Je veux vous proposer un pacte. Choisissez un soir par semaine pendant lequel vous ne regarderez pas la télé. On aurait dit qu'il avait poignardé le pauvre Charles qui avait sa télé à lui dans sa chambre. Ce n'est pas possible, monsieur. On peut essayer. Tout le monde signa le pacte, sauf Charles. Le maître n'arrêtait pas d'avoir des idées. Bon, toutes les idées n'étaient pas du goût de tout le monde. Le pacte télé, par exemple. Mais tout le monde aimait l'effet de surprise de ses idées les plus saugrenues. Et tout le monde était d'accord pour penser qu'Hubert Noël avait le punch d'un jeune maître. Tout le monde, sauf... Encarnación Pérez. L'une des innovations de Monsieur Noël était une sorte de boîte à lettres, la boîte à discussion, où les élèves étaient censés déposer des sujets à creuser pendant leur forum hebdomadaire. Tous les vendredis, un élève tirait un sujet au hasard. Ce jour-là, Bénédicte déplia la feuille et rougit jusqu'au blanc des yeux. Elle n'arrivait pas à prononcer le mot inscrit. Elle toussota, se racla la gorge, eut un fou rire, mais resta muette. « Mahamar va à sa rescousse ?» Mais il fit la carpe aussi. Le papier fit le tour de la classe, comme une pomme de terre brûlante que l'on se passe de main en main. Finalement, il tomba sur Charles, qui n'eut aucun mal à lire le sujet avec un dédain évident pour les autres. « Faire l'amour !» De nouveaux gloussements secouèrent la classe. « Mais qu'est-ce qui vous prend ?» demanda le maître. « C'est dégoûtant, monsieur !» dit Laurent. « Je ne vois pas en quoi, Laurent !» La porte s'ouvrit au moment où le Père Noël s'exclamait « Aucun de vous ne serait là si vos parents n'avaient pas fait l'amour !» Les yeux d'Incarnación Pérez s'écarquillèrent. Elle hurla « Monsieur Noël, suivez-moi !» Il n'y avait pas de joker pour ne pas suivre la directrice. La lame de la guillotine tomba vite. Madame Pérez remit à l'instituteur la lettre qu'elle avait reçue le matin même, une lettre qui satisfaisait sa demande de ne pas renouveler les fonctions d'Hubert Noël, qui serait enfin obligé de prendre sa retraite. Hubert Noël fut terrassé. Il retourna dans sa classe la tête haute. S'il se déclarait vaincu en ce qui concernait Encarnación Pérez, il était encore le maître de son CM2 jusqu'au dernier jour d'école. Les élèves furent mis au courant des problèmes du maître. La semaine précédant les grandes vacances, M. Noël fit une grimace aux élèves auxquels il adressa la question suivante. « Qui pensez-vous que j'admire le plus ? celui qui s'est servi de ces jokers ou celui qui les a gardés dans le cartable ?» Bérengère, fière de son stock constitué grâce au juteux trafic de jokers, leva la main. « Celui qui ne les a pas dépensés, monsieur. » « Tu n'y es pas du tout. Si je vous ai donné ces jokers, c'était pour en profiter. Maintenant, c'est trop tard. » Un silence recouvrit la classe. Silence peut-être peuplé de regrets. « Quand on est, on a automatiquement des jokers. Quels sont ces jokers ?» Charles, le plus fin connaisseur en matière de jokers, cria. « Le joker pour vivre !»« Oui, » dit le maître. « Et quoi encore ?» « Le joker pour marcher, » dit Laurent. « Le joker pour parler, » copia Bérengère. « Le joker pour apprendre à lire. Le joker pour apprendre les langues. » Tout le rang de Bénédicte continua avec des jokers pour apprendre l'histoire, la géo, la biologie et tous les domaines du savoir. « Le joker pour le sport, » dit Laurent avec amertume. « Le joker pour aimer, » ajouta rêveusement Bénédicte. « Le joker pour être heureux. Le joker pour pleurer. Le joker pour décider. » Charles ne put s'empêcher d'apporter sa contribution. « Le joker pour parler d'amour. » « Oui, je pense que vous avez compris maintenant. Notre naissance nous a donné tous ces jokers. Il vaut mieux les dépenser. Demain, on va faire une fête d'anniversaire collectif pour célébrer la vie et ses jokers. Je me charge du gâteau. » C'est Charles encore qui eut l'idée du cadeau pour le maître. C'était une idée risquée. Hubert offrit un dernier cadeau à chacun de ses élèves, un cahier blanc sur lequel il avait écrit « Joker pour raconter ma vie ». Charles lui offrit alors une enveloppe gigantesque. Le maître l'ouvrit et lut ce qui était écrit à l'encre d'or. « Un joker pour une retraite heureuse et méritée ». Le maître rit de bon cœur et dit avant d'embrasser tous ses élèves « Oui, il y a un temps pour tout ». À la fin de la dernière semaine, il ramassa son joker, quitta l'école sans un mot à Encarnación Pérez et alla tout droit au couscous royal. Ici se termine cette histoire. Joker était un livre de Suzy Morgenstern, édité dans la collection Mouche de l'École des loisirs.